tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, en rediffusion, des nouvelles de Guyane. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Diffie Mariani en 2013. Au départ de cette série, il y a une portion d'Amérique du Sud, une région française en Amazonie, une terre bordée par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, un département français qui est aussi une forêt partagée avec le Brésil et le Suriname. Il y a la Guyane avec ses identités et ses langues qui racontent une histoire, celle de l'esclavage, du bagne et de la colonisation. De mauvais souvenirs qui laissent des traces, et puis aussi depuis une semaine, la contestation sociale contre les retards structurels et l'abandon. Pour demander un véritable accès à l'énergie, à l'école, à la santé, à la sécurité et au travail. Et la certitude qu'il faut réécouter ce qui se dit pourtant depuis longtemps. Alors pour commencer, les personnages. La voix de Félix Eboué, le souvenir de Victor Schœlcher, des jeunes mariés, des musiciens, des femmes qui s'affairent et un historien et un géographe qui fouillent les mémoires et les paysages. Ensuite le décor, une presqu'île, le souvenir de l'armée coloniale, de vieux refrains, le monde à l'envers du carnaval, le bruit des vagues, une tortue, le goût de la liberté, des ex-voto et la pluie qui vient tout rafraîchir. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Cayenne. Cayenne. La piqueuse. Un acharnement de coléoptères autour des plantations, ventre creux et des poissons maigres. De nos gencives, une exaltation de poivre surchauffé sur des blessures attentives au bruit, à toute secousse. Au mouvement, aux couleurs. Viendrez-vous vous mirer autour de ces étangs? Viendrez-vous y boire et périr de notre foi? On ne casse plus un caillou dans les rues de Cayenne et les Guyanais raillent à la carême la mauvaise réputation qui entoure cette ville en forme de presqu'île qui fait le dos rond à la mer et à l'Amazonie dans un même mouvement. Deux, peut-être trois périls nous guettent en accostant à Cayenne. Celui d'offrir des curiosités à la manière des carnets de voyage, celui de briser notre carcasse sur les récifs d'une surévaluation d'un passé encombrant, ou encore d'accoster sur les plages et d'observer avec l'œil morne des tortues un présent composé d'oubli. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à Cayenne. Nous sommes à 9000 km de Paris. La température extérieure est de 25 degrés. 6 mois de soleil, 6 mois de pluie. 50 000 habitants et la moitié à moins de 20 ans. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Cayenne. Nous sommes toujours à 9000 km de Paris, mais la population a presque doublé depuis les années 70. Cayenne est créole, brésilienne, haïtienne, marronne, libanaise, chinoise. La vie ici se recompose sur une terre peu fertile, mais pas austère, fleurie de jardins potagers et qui offre le nécessaire et encourage à toujours chercher sa ressource. En 2010, les Guyanais ont refusé dans les urnes l'article 74 de la Constitution qui offrait une plus grande autonomie à ce département. Non, la Guyane n'a pas pris le large. Et pourtant, de ce côté-ci, en métropole, qui se souvient encore de ce gouverneur du Tchad qui rallia la France libre et fit de l'Afrique équatoriale une plaque tournante des forces armées de la France libre? 1941, Radio Brazzaville, le gouverneur Félix Eboué. Pensez surtout à une chose, ce que la patrie vous demande. Ce que les 40 millions de Français de la métropole ont déjà dans le malheur commun réalisé, ce qui est sur le point de se forger entre les différentes parties de l'Empire libéré de l'emprise hitlérienne, c'est l'union des esprits et des cœurs, c'est la solidarité totale entre les différentes fractions de notre peuple, c'est l'oubli des dissentiments passés et des querelles périmées pour ne voir que le but suprême à atteindre, la libération de la patrie. De la Première Guerre mondiale à la Seconde, de la coloniale à l'armée régulière actuelle, les Guyanais n'en ont pas fini de servir la France. Victor Klett, expliquez-nous juste pourquoi les questions de l'armée, là. Non, c'est vrai que pendant le carnaval, on évoque des chansons, quoi. Et puis, bon, ben, un 14 juillet, on a vu le défilé des soldats. Ça nous a donné l'idée de composer cette chanson, quoi. Une chanson qui marche très bien, d'ailleurs. Sous Pouépo, l'adjudant Sao nous a dit l'armée pour la grande virée. Qu'est-ce que c'est la coloniale ? La coloniale, c'est l'armée coloniale, c'est-à-dire c'est les troupes de marine. L'armée qui auparavant est autorisée à faire les départements, territoires d'outre-mer, à servir dans le département, territoire d'outre-mer. Vous avez participé, vous, à cette armée qu'on appelle la coloniale ? J'ai fait 21 ans d'armée, j'étais dans la coloniale. Je fais Djibouti, je fais Nouméa. Et l'Algérie qui participait à la coloniale ? Des Martiniquais, des Guyanais, des Créoles comme des Créoles, il y avait des gens de tout bord. Martiniquais, Guadeloupéen, Wallisien, Djiboutien, ainsi de suite. Quoi. Donc c'était, si vous voulez, l'armée pluriethnique. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas péjoratif. Hein. Donc l'armée, c'est, si vous voulez, c'est une grande famille. Et celle du carnaval ? Le carnaval, c'est, si vous voulez, c'est une grande famille aussi. Yeah. Chargé, soda soleil, chargé, soda deca, chargé, soda d'enfant, chargé, soda lasco, chargé, jeune soda, chargé, prends le sang, chargé, gardez bien, chargé, ou plus tard, chargé, soda faillot, chargé, soda touriste, chargé, vigipira, chargé, soda deya, chargé. Normalement, j'avais un grand groupe de carnaval, conçu de gradés, de petits gradés de l'armée. Donc, ça fait plus de 30 ans de carnaval. C'est-à-dire que on est devenu érudit, c'était le système des merdes, hein, parce qu'avant il n'y avait pas trop de matériel pour pouvoir confectionner les costumes. Donc on prenait un petit peu de tout, donc là c'est tout que de la récupération. Hein. Du carton, des clous, et tout ce qu'on traîne, le PVC, ainsi de suite, avec des bouchons, un peu de tout. Quoi. Vous voyez là, mon chabalet. Ici, là, les trucs, là, vous voyez les trucs de flotteurs, c'est les flotteurs de WC. Tout, c'est de la récup. Chargé. Si les rythmes du carnaval, mazurka et biguine, étouffent le bruit des bottes et les 100 pas dans les plantations de Cannes, c'est que le nègre marron, l'esclave en fuite, a été capitaine. Le blanc, pauvre, est déchu. Près de 74 000 bagnards ont été déportés sur ces rives. Mai 1852. Un décret a désigné la Guyane comme lieu de déportation des criminels politiques. Le premier convoi de bagnards arrive à Cayenne. Je vais vous le dire. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai pas entendu ? À mort, à mort, à mort, tout le monde gueulait à mort. Alors je pensais en moi-même, vous n'avez pas besoin de gueuler à la mort, nous y allons. Alors, aussitôt que j'ai embarqué sur les pontons, là, on a foutu une petite passerelle pour aller sur le pont, aller directement dans la cale. Alors, il y en avait qui tombaient, un pauvre, on vous traînait comme on pouvait. Si vous aviez quelque chose de cassé, ça, on ferme les portes du bagne et on ne regarde pas ce qui vous est arrivé. Au-dessus de nos têtes, il y a les tubes de vapeur. En cas de révolte, la vapeur qui vous tuait d'un seul coup, un bouillantier d'un seul coup. C'est beau avoir les îles du salut, vous savez. On voit ces îles comme des bouquets, vous savez, vert. Alors, on accoste, on mouille dans les îles. Alors, le débarquement se fait. J'ai vu une tortue. Il y a une tortue qui a montré sa tête, là. Là, par là. ici, nous sommes en face de Cayenne. Et en face de nous, on a les îlets de Rémire. À droite, on a l'Île-et-la-Mer. C'est la plus grande des îles, c'est aussi la plus riche en histoire, parce qu'il y a eu un bagne pendant plusieurs dizaines d'années. Derrière, il y a deux petits îlots qui s'appellent les Mamelles. Ensuite, à gauche, on a l'Île-et-le-Père. Donc la deuxième île en taille. Et un peu plus loin, qu'on ne voit pas, qui est un peu derrière là, les rochers, on a le Malingre. Et on a aussi l'Enfant perdu, qui est où là il y avait un petit phare. C'était une famille en fait, c'était toute une famille. Il y avait donc le père, la mère, le Malingre qui a été séparé, et donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus éloignée. Voilà, et les noms sont restés. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île du phare ? À la fin du 19e siècle, donc on laissait des bagnards là-bas. C'est très dur, c'est un tout petit rocher avec un phare dessus et on les laissait pendant quelques semaines avec de la nourriture, suffisamment de provisions et de l'eau. Et à un moment, pendant, il y a eu une épidémie à Cayenne et personne, on les a oubliés, on les a laissés là-bas. Donc ils ont dû se débrouiller en récoltant l'eau de pluie, en pêchant ce qu'ils pouvaient. Et on les a oubliés pendant quelques semaines, comme ça on n'est pas allé les chercher, les approvisionner. Mais ils ont survécu. Ils ont survécu. Et l'île du Bagne là-bas ? L'île du Bagne, c'est l'Île-et-la-Mer. Donc ça a été un des premiers bagnes avec les îles du Salut. Il est beaucoup moins connu. Et pourtant, il y a jusqu'à 500 bagnards qui ont été mis là. Ça a même commencé au 18e siècle, puisque c'est là-bas qu'on avait exilé l'état-major de Toussaint Louverture. Ils y sont restés quelques mois. Ensuite, on a abandonné cette île, on y a mis des lépreux. Et ensuite, quand il y a eu la création du bagne en 1852, on a ouvert un bagne d'abord pour les prisonniers politiques. Donc il y a eu plusieurs prisonniers politiques qui sont restés quelques années. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, avant qu'on l'évacue, on y laissait les convalescents du bagne. Est-ce que ça marque les esprits d'avoir en face de soi des lieux où se sont déroulés des drames ? Est-ce que ça imprime toujours le quotidien ? Souvent ici, j'ai entendu des gens qui me disaient « Non, il ne faut pas parler de l'histoire, c'est de l'histoire ancienne. » C'est pas ancien. Là, on parle du milieu du 19e siècle. C'est présent parce qu'il y a une mémoire orale très importante. Moi, j'ai rencontré ici des grands-mères et c'était déjà proche parce que leurs grands-parents leur avaient raconté et donc elles-mêmes, elles avaient vu aussi des bagnards puisque les derniers bagnards sont partis dans les années 60. Donc c'est vraiment, on parle de quelque chose qui est toujours là. Mais ils ne peuvent pas disparaître parce que tout est nommé avec des noms terribles. Tout est nommé mais on oublie parce que par exemple, il y a beaucoup de quartiers à Cayenne. C'est des quartiers où les gens habitent mais ils ne savent pas que leur quartier c'était le nom d'une habitation avec une centaine d'esclaves. Même si les noms sont restés, ils ont perdu, en fait, on a perdu leur signification. Les lieux de mémoire sont toujours choisis soigneusement pour leur signification, soit à l'extérieur de la ville, on peut donner des exemples, soit au contraire au cœur des villes. Ici, nous sommes au cœur de la ville coloniale avec le fort Sepérou, le quai de Cayenne, à côté, où arrivaient les navires négriers, les bâtiments administratifs de la préfecture du Conseil Général, la Banque de la Guyane qui est déjà installée, et le centre-ville avec les maisons bourgeoises. Alors, nous sommes à Cayenne, sur la place Schœlcher. C'est, à mon avis, l'un des monuments les plus remarquables de la ville, non pas par son ampleur, mais par sa symbolique. Là, nous avons une statue qui représente Victor Schœlcher, qui a la main posée sur l'épaule d'un esclave libéré. On le reconnaît avec sa tenue. Il porte un kalembe, c'est-à-dire un pagne, que portaient moins les esclaves que les bushinengués d'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est frappant, c'est le regard de l'esclave. Il regarde Schœlcher dans une sorte de reconnaissance infinie. Lorsqu'on considère cette statue aujourd'hui, on peut être choqué par le paternalisme qui ressort de ce tableau-là. Et en quelque sorte, cette statue porte la symbolique de ce mouvement politique et culturel qui considérait la France comme une bienfaitrice qui avait octroyé la citoyenneté aux esclaves libérés. Et par conséquent, il n'est plus question d'évoquer les conditions de vie sous les habitations, le fouet, toutes ces symboliques de l'esclavage que l'on retrouve volontiers dans d'autres pays. La montagne est verte, oh Schœlcheriste, la montagne est verte. La montagne est verte, mes amis, la montagne est verte. hiver. Où est-on, Chelcher? Jamais nos cœurs, jamais n'ont changé. Chelcher doit briller comme une étoile à l'Orient. Chelcher doit briller comme une étoile à l'Orient. Je sais bien qu'il est parfois de bon ton, passant devant un monument public, te dire liberté, point, égalité, point, fraternité, point. Oui, seulement nous, c'est pas la conception que nous en avons. Vous savez, pour apprécier la liberté, il faut en avoir été privé. Croyez-moi, je n'ai pas été un esclave, moi. Mon père non plus. Mais avant lui, dans sa génération, la génération qui l'a précédé, il y en a eu. Être privé de liberté, je vous assure, cela vous donne le goût de la liberté. Et cela vous donne le goût de la liberté, non pas seulement pour vous, mais le goût de la liberté pour les autres. Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, devenu avocat puis député en 1932, il lutte pour l'abolition du bagne, cette sentine, égout de la métropole. Il sera président du Sénat de 1959 à 1965. J'ai toujours dit, et je répéterai toujours, qu'à mon sens, un homme n'est digne de la liberté quand il l'a, que s'il combat pour la liberté des autres, notamment pour la procurer à ceux qui ne l'ont pas. Ben, la liberté n'existe pas si l'égalité n'existe pas non plus. Mon sentiment, c'est personnel, ce que je vous dis là, c'est que la première de ces notions, c'est l'égalité. Car là où il n'y a pas d'égalité, la liberté n'est qu'un mot, et la fraternité encore plus, n'est-il pas vrai? Quand nous disions, nous, mère patrie, dans les années 1910, nous le disions pourquoi? C'est parce que les révolutionnaires de 1848, ceux-là qui ont supprimé cet esclavage dont je vous parle, et à leur tête, il y avait Victor Hugo, il y avait François Arago, il y avait Victor Schœlcher, que nous appelons notre libérateur. Ils ont dit quoi? Nous allons supprimer l'esclavage, ces hommes seront et ces femmes seront sans patrie. C'était logique. Donc l'œuvre de 1848 ne sera parfaite que si nous leur donnons une patrie. Et une patrie au sein de laquelle ils seront les égaux des autres. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Vous connaissez un autre pays, citez-le-moi si vous le connaissez, qui ait fait cela, qui ait fait un geste aussi humain et rempli une mission volontaire aussi belle que celle-là? Moi, je ne connais pas. Jusqu'à la départementalisation de 1946, il y a une opération de refoulement de ce qu'a été l'esclavage, de ce qu'a été la souffrance des Noirs, l'humiliation, les esclaves étaient considérés comme des meubles. Eh bien, tout cela n'apparaît pas là. Ce qui apparaît, c'est la reconnaissance que l'on accorde à la France pour l'acte d'abolition et l'octroi de la citoyenneté. Ici, c'est pas seulement Victor Schœlcher qui est mis en scène, c'est la France elle-même. La France généreuse et le geste de Victor Schœlcher qui ouvre le bras et qui montre la direction de la liberté à ce nègre, eh bien, c'est la France. Il y a dans les pratiques de la vie quotidienne guyanaise une sortie que l'on fait en fin d'après-midi, au moment où le soleil a disparu, où il fait beaucoup moins chaud, et on vient, comme on dit, prendre le frais sur la place des Amandiers, à quelques pas d'ici, ici nous sommes à Lens-Nadeau, au bord de la mer, on vient prendre le frais. Alors, on voit un monument mis en place par la municipalité tout récemment, que l'on appelle les chaînes brisées, pour offrir aux Guyanais un autre regard sur le temps de l'esclavage. Un regard qui replace l'esclave au centre de cette histoire. Des chaînes brisées, des anneaux, les chaînes s'ouvrent, alors que dans le monument Schœlcher, on était dans la reconnaissance du colonisateur qui a aboli l'esclavage et qui octroie la citoyenneté française. Ici, le colonisateur a disparu. Ici, la France est montrée non plus comme la bienfaitrice, comme la libératrice, mais comme actrice importante du temps de l'esclavage. Et on a là un rejet de la domination coloniale qui est l'aboutissement d'une longue remise en question, d'une sorte de révolution culturelle que le pouvoir politique a fini par prendre en compte au bout d'un long parcours de près d'un quart de siècle. À Cayenne, pourquoi autant de lieux de mémoire? Ah, ça vous frappe. Effectivement, il y a des lieux de mémoire qui sont le résultat de discours différents. D'ailleurs, regardez, dans le même axe, on a symboliquement un boulevard qui porte le nom d'un gouverneur du temps de l'esclavage et ses chaînes brisées qui rappellent le temps de l'esclavage, le temps de la souffrance. Il y a donc dans la ville de Cayenne plusieurs lieux de mémoire qui racontent des histoires successives, souvent contradictoires, des histoires qui s'opposent. Nous sommes montés à quelques mètres au-dessus de la ville. Nous sommes au Fort Sepérou. On a l'impression d'être entouré par les eaux. Cayenne est bordée par deux rivières. La Mahurie et la rivière de Cayenne, qui est de l'autre côté, sur lequel on a le port de commerce. Et ici, le port crevettier, où on devine au loin les chalutiers, à l'image de celui qui est en train de rentrer. C'est aussi un espace où il y a très peu de fond. Quand on regarde, cette rivière, on s'aperçoit qu'il y a des bancs de sable au milieu, on voit des bateaux échoués, on voit surtout des petits bâtons qui correspondent en fait à des filets de pêche posés. Un petit peu ce qu'on trouve en Chine. C'est directement issu d'ailleurs de l'immigration, au passage, de quartiers chinois, de Chinois qui sont arrivés ici et qui ont mis en place cette pêche, et dont on a gardé les techniques. C'est des sortes de nasses qui sont mis en place là sur ces bâtons. Voilà. Et on a la petite balise, le petit phare qui indique le chenal et duquel il faut absolument pas s'éloigner. Ce qui est juste en face de nous, cette vieille digue, qui est un endroit où les gens viennent souvent. Personnellement, ça m'arrive assez souvent le matin d'aller là sur cette digue et puis en fonction de l'humeur du vent, attendre un peu. Voilà. C'est très reposant. On est sur cette digue, cette vieille digue, dit le vieux port, où on entend justement la régularité de la houle, un peu comme un métronome qui vient petit à petit sur la mangrove, là s'étouffer dessus. Et alors, au loin, c'est La Rochelle, on imagine tous les échanges possibles qui ont lieu ici. Et donc on a une vieille fontaine, de vieilles toilettes, un filet qui traîne. On voit bien que ça a beaucoup vécu et il reste ça, des traces un peu partout, des petites guérites dont on est sur cette guérite. Et alors, ce qui est assez étonnant, on va tourner derrière la guérite. Et par exemple, on est face à une vieille grille qui a dû connaître beaucoup de tempêtes et beaucoup de gens, et qui aujourd'hui est réaffectée à une fonction qui est celle de porter des ex-voto pour des Vénézuéliens qui ne sont pas là, mais qui sont embauchés par des Libanais pour la pêche du vivano, et qui, avant de partir, mettent à chaque fois un petit chiffon pour se souvenir. Et alors ce lieu où il y a vraiment un tas, ça pourrait apparaître comme des détritus, des choses improbables, là, il devient un lieu sanctuarisé. Voilà, c'est des morceaux de corde, c'est un bidon d'huile qu'on peut voir là, mais qui est l'huile moteur pour pas que le moteur tombe en panne, des petits bocaux de nourriture. La mer est très dangereuse ici, les courants sont très forts, et la plupart du temps, les modes de pêche sont assez rudimentaires, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. Voilà, et on retrouve un tas de choses à côté des bines d'amarrage, des échelles, des têtes de parapluie qui deviennent des crochets, voilà. Et n'importe quelle personne arriverait ici aurait envie de tout mettre par terre. En fait, il ne faut surtout pas toucher, parce que c'est beaucoup de gens confient leur âme ici à la mer avant de partir pour Margarita au Venezuela. Les marins vénézuéliens peuvent rester sur leur bateau. Ils n'auront pas l'autorisation de séjourner sur la terre ferme. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração. Naviguer, comme le dit la chanson, réclame de la précision, alors que vivre, ce n'est pas la même affaire. Não. Navegar é preciso. Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, amor riso, o arco da madrugada, o porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Entre le port et la ville, cet interstice, ancien quartier des bagnards indochinois, il accueille aujourd'hui des cargaisons de migrants. Bon, j'espère que mon vieux parapluie va tenir la route. Oh, ça va. Où sommes-nous, Serge Mamlam Fouk? Nous sommes devant la crique. La crique, c'est le nom que les Cayennais donnent au canal Lossa. C'est un canal qui a été creusé au cours de la première moitié du 19e siècle pour mettre en communication deux bras de mer, le bras de mer qui se trouve vers l'est et le bras de mer qui débouche sur le quai de Cayenne vers l'ouest. Ce canal, il a été creusé par qui ? Le canal a été creusé par les esclaves. Il a été creusé sous le gouverneur Lossa au début du 19e siècle et c'est l'un des canaux de l'île de Cayenne qui avait pour objectif de fuir les embarras de la mer, comme on disait. C'est-à-dire d'éviter de longer la côte avec parfois une houle relativement importante et de passer ainsi d'un bord de mer à un autre par le canal. Alors, la crique, c'est à la fois un canal, le canal Lossa, mais c'est aussi un quartier de la ville. C'est l'ancien quartier des pêcheurs. On voit encore, en face de vous, vous avez les tapouilles des canaux venant essentiellement du Brésil, c'est le lieu de la pêche artisanale. Mais la crique, c'est aussi l'ancien quartier des déshérités de la ville. Et le poète Serge Patient, dans un de ses poèmes, parlait de cette ville coupée en deux par le canal, n'est-ce pas ? Il disait « Cayenne est désolée que déchire un canal ». Quelques mètres au-dessus de cette crique, le marché. C'est jour de carême, chacun part au plus pressé. La nuit carnavalesque tourbillonne dans les cabas et les pas chavirés. Eh oui, oui, oui, aujourd'hui, journée exceptionnelle. Promotion, promotion. Carnapésie, Timolome. Au titre incontournable du carnaval. Aujourd'hui, exceptionnellement pour vous, à un prix de 10 euros. Eh oui, oui, oui, ne soyez pas timide. À 10 euros, mon ami. Et c'est oui, oui, oui. Victor Klett, qu'est-ce qu'on prépare ce soir-là ? C'est la répétition du groupe, puis on distribue les tenues pour la prochaine prestation. Et puis, lors des soirées, le répertoire est fait par M. Nugent. Alors, donc, M. Gibus et M. Cibrelus. C'est un répertoire pour le carnaval, mais sinon, on joue autre chose. Du compas, cha-cha-cha, reggae, valse, zouk, tout. Mais là, c'est pendant le carnaval, c'est plutôt ce style de musique, quoi. Thank you. combien de temps que vous êtes dans ce groupe mythique, monsieur? Et comment vous appelez? Je m'appelle Lucien Blaisès. Je suis percussionniste. Je joue le traditionnel cha-cha. Cha-cha, confectionné par moi-même. C'est confectionné par moi-même, oui. C'est une bombe de Flytox, de Bégon, ce qu'on veut, d'insecticide. Et je perce les trous, bien alignés. Et après, je rajoute des plombs dedans. Des différents plombs de taille différentes pour avoir le son différent. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. Et tu veux voir un... Oui, juste la partie où il y a le break là. Hein? Ouais, ok. Ouais, on prend cette partie là. Ok, on y va. Qu'est-ce qui se prépare ce soir? Alors, nous avons une soirée très spéciale vendredi, qui est la soirée des Tololo. Ce sont les hommes qui sont masqués et les femmes attendent d'être invitées. Et donc, c'est une musique assez spéciale, c'est beaucoup plus endiablé. Donc, nous préparons ce soir la musique spéciale Tololo pour vendredi prochain. Victor Klett, votre chemise, là, quand vous a préparée, elle semblait un peu courte. Hein. Oui, j'ai les manches. Les manches sont un petit peu, mais il m'a dit qu'il pourra rattraper. Donc, ça va bien se passer, pas de problème. Déjà 9 mois à la caserne, les ciseaux d'ailleurs, y'a qu'à primer, qu'à un ticket, tirer des peines, monter l'église, qu'est qu'en 22, jour arrivé, ou amuser, l'école l'ouvrit, qu'à un payer, l'école l'ouvrit, qu'à un tonnier, bouillé dans ses samedis au soir, carnaval, fini rivé, c'est tout d'ailleurs, y'a tout content, y'a qu'à y aller, ou y'a contrer. Les déguisés, soleil levant, qui est gratté, ou son galon, nègre chinois, c'est un gué blanc, qui a mélangé, qui a balancé, pas qu'un problème, c'est la gaieté. Alors, attends, je vais lui montrer ça parce que bon, je veux finir, mais. Ce que je voulais vous dire, l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que voilà les premières robes de Touloulou et il y a les étapes. En coton. Moi, je suis en coton. Coton. Et les femmes étaient rembourrées. Tellement il fallait être anonyme, mystifié. On ne voulait même pas être reconnu par son voisin, etc. Donc, on se rembourrait. On se rembourrait, surtout quand, si on était maigre. Et donc, il y avait plein de jupons. 6 ou 7 jupons, parce que plus elles étaient... Maintenant, elles ont même envie de ne pas emporter du tout. Bon, ça, c'est notre affaire. Qu'est-ce qu'on doit faire les dernières heures avant la soirée des Touloulous? Ben, c'est les loups, c'est les coiffes, c'est tout, hein, c'est tout. Il y a aussi des robes qui, des fois, ne sont pas terminées ou des retouches. Voilà, quoi. Donc, c'est ça, le carnaval. On est toujours sur les charbons ardents. On est toujours en train d'y courir. C'est un stress permanent. Il faut que tout soit prêt pour 22h, 23h ce soir. Donc, voilà. On n'arrête jamais. On a fini avec les Tololo parce que c'était l'une des grandes soirées Tololo hier. Donc, Mais expliquez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une revanche des hommes là sur ce carnaval. Ah ouais, vous avez vu les Tololo hier soir? Vous avez vu la quantité Vous avez été 20? Il y avait énormément de Tololo. Hein. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui n'est pas traditionnel, hein, en fait. Au fur et à mesure, ça attend à l'être, puisque les hommes ont tellement pris goût. En fait, c'est parti d'une dérision, les gars se plaignaient tellement de tapisser, en particulier les gens qui venaient de l'extérieur. Tapisser, c'est pour ça qu'on dit tapisser, c'est le mot pour dire qu'on est là, qu'on attend et qu'on danse pas. Ils attendaient la Touloulou, quoi. Ils attendaient d'être choisis. Je dis, c'est pas possible. Il faut qu'on passe quelque chose. Donc, les hommes se sont rebellés là. Voilà. Et puis ils ont dit, on les appelle Touloulou, on va s'appeler les Tololo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même, les Touloulous, c'est elles qui choisissaient, c'est elles qui avaient l'avantage. Comment se fait-il que tout d'un coup, les hommes ne laissent plus aux femmes la préséance? Expliquez-moi. Le but, au départ, c'était de se venger, de se dire que les filles seront debout aussi, elles vont nous attendre comme nous et tapisser. Après, c'est devenu un engouement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le même sentiment, les mêmes ressentis que ressentent les femmes depuis des décennies, c'est le même ressenti. C'est-à-dire que les hommes se trouvent émancipés sous le masque et puis ils ont accès à des femmes qui ne les auraient jamais regardées dans le civil, quoi. C'est ça, en fait, l'engouement. Et donc, parce qu'il y a des femmes de toutes classes, en tout cas, enfin, toutes les couches sociales qui y vont. Alors, les hommes deviennent tololo pour aussi combattre leur inhibition, c'est ça que vous me dites? Ah si. En particulier, le fait qu'on leur refuse à danser dans les boîtes, que les filles font l'intéressante, voilà quoi. De la même manière, des femmes continuaient à aller au bal masqué parce qu'elles n'avaient pas accès au salon classe pour les bals travestis. C'est le même processus que ressentent les hommes maintenant. Ici, on dit qu'il y a un gros brassage des races. Je dirais que même, il y a moins de différence dans les classes sociales qu'aux Antilles, par exemple, ou qu'à La Réunion. Mais il y en a quand même, faut pas croire. Hein. Bon, il y en a. Il y a des hommes qui ont accès à certaines femmes, ils ne doutent pas. Et les touloulous, le fait que ce soit les femmes qui choisissent, est-ce qu'elles choisissaient vraiment? Expliquez-nous ça. Alors, elles choisissaient vraiment... En général, au départ, il y avait trois critères. Les femmes choisissaient les hommes pour danser parce qu'elles aimaient danser, que dans l'année, elles n'étaient pas invitées dans les bals. Parce que c'est ça, le départ. Ensuite, elles choisissent, elles reviennent, ou elles dansent avec le même cavalier 10 ans de suite parce que c'est quelqu'un qui danse bien, qui est synchro. Parce que dans le bal, touloulou, c'est ça. C'était le plaisir de danser, de trouver quelqu'un qui dansait aussi bien que vous, qui arrivait à synchroniser les pas en même temps que les vôtres. Et puis, il y a le fait de s'émanciper. Le carnaval, c'est ça. Comme tous les carnavals du monde, on le voit très bien avec le carnaval de Dunkerque, quand le premier jour, les femmes, elles font tomber la cravate. Ben, ici, c'était se dire s'émanciper du mari, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Juste dans les années 90 et même 2000, certaines femmes, la culture voulait qu'elles soient sous autorité du mari. Et au moment des balles, elle se libérait, s'émancipait, et bien souvent le monsieur ne savait même pas, hein, parce qu'elle marronnait, quoi, pour y aller. Parce que les hommes sont machos, hein, dans la culture afro-caribéenne, faut pas croire. Hein. Marronnait, ça veut dire qu'elle résistait un peu, elle rusait? Non, oui, elle disait pas, elle trichait, elle disait, bon, elles allaient dans une galette, ou bien elles allaient chez une copine, et puis... Elle allait en douce, c'est ça, marronnier. En fait, dans le terme du touloulou, quoi, en tout cas. Et en même temps, les touloulous, les femmes qui se déguisent en touloulou, parfois en mauvaise presse. Hein. Vous avez écrit les 10 commandements. Alors, c'est pas parce qu'on est sous un masque qu'on fait n'importe quoi. Donc, j'ai écrit les 10 commandements. C'était bien pour remettre le code au goût du jour. Parce que le code, il existait. Mais du fait que les gens ne sont pas marrainés, n'étaient pas emmenés par quelqu'un qui avait l'expérience, ils avaient tendance à faire un petit peu ce qu'il fallait pas. Automatiquement, on est sous un masque, on danse collé. Vous avez eu peur à un moment que le carnaval devienne un petit peu un lieu de consommation, finalement, non? De consommation de tout type. Et là, tout d'un coup, les femmes ne s'émancipaient plus. Elles s'émancipaient, mais elles s'émancipaient trop, en fait. Alors, la juste émancipation, dites-nous. La juste émancipation, c'est ce que je vous ai dit. Quand on est en situation de touloulou, la tradition veut qu'on rentre en touloulou de 22h à 5h du matin. Après, on dit merci, on rentre chez soi, on se déshabille et puis on va qu'à ses occupations. Terminé. Le 8e commandement. Sois charmeux sans être sensu, le touloulou passe partout, voit tout, mais ne doit jamais s'accrocher. Donc, dans la tradition, même si vous tombez sur un cavalier qui est hyper beau, qui sent bon, qui est chouette, bon, tant au niveau de la danse qu'au niveau du physique, il faut avoir suffisamment de maîtrise, se dire, bon, j'ai dansé 2 fois avec lui, je vais revenir le chercher dans 3 heures, mais à 5 heures, au revoir, merci. On ne doit pas se dévoiler, on ne doit pas donner son identité, on ne doit pas suivre le cavalier, on ne doit pas rester, c'est ça, censure, on ne doit pas rester accroché à lui, on ne doit pas danser avec la même personne en dandinant dans la piste. On danse, on dit merci. Le cavalier paye à boire selon la tradition. Alors il essaye de deviner qui on est, mais c'est là tout le jeu. on ne dit rien, ou alors on prend le langage de Touloulou, la personne ne doit pas savoir qui vous êtes, ni avant, ni après, ni pendant. Voilà, c'est ça. Pas être sensu. On tombe amoureuse de temps en temps, non? Ah oui, comme le cavalier tombe amoureuse de son Touloulou. Mais on est Touloulou, hein? On est personne, hein? On peut danser. Le cavalier parle, hein, Touloulou, t'es belle, mon Touloulou, tu sens bon. Avant, il donnait au Touloulou les hommes, comme la Guyane était un petit pays. Ce qui arrivait, c'était ce qu'on trouvait sur le marché en Guyane, quoi. Voilà. Il n'y avait pas de grande parfumerie, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y avait trois ou quatre. Ils disaient, c'est mon Touloulou, belle de nuit, c'est mon Touloulou, ploum ploum, c'est mon Touloulou, etc. Ils reconnaissaient le Touloulou par rapport à son odeur, à son parfum. L'anonymat. Total. Total. La personne ne doit jamais savoir s'il a dansé avec sa femme de ménage, s'il a dansé avec sa blanchisseuse, s'il a dansé avec sa cuisinière. Normalement, les gens ne devraient jamais savoir ça. Le carnaval de Guyane, une des caractéristiques, même dans les rues, c'est d'être complètement masqué. Hein. C'est pareil, on ne savait pas qui c'est qui faisait Bobby, qui c'est qui était sous la tenue de vidangeur ou de jeu farine et tout ça, on ne sait pas. Hein. Les gens sont complètement masqués et gantés, quoi. Tout l'amusement donc, des Touloulous et du carnaval, c'était d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Mmh. Créole, on pouvait devenir marron. Marron, on pouvait devenir... Duchesse, baronne, chinoise, japonaise, homme. Voilà, le carnaval d'ici, comme tous les carnavals, c'est ça. C'est changer de personnalité, inverser la personnalité qu'on a. Le lundi gras, par exemple, les gens changent de sexe, les femmes se marient, donc c'est la femme qui porte l'habit de l'homme pour aller se marier. C'est ça le carnaval. On se donne rendez-vous où alors? Chez Nana, chez Paulina. Moi je dirais plutôt chez Nana, et vous? Chez Nana, ouais. Mm-hmm. Parce que Nana, c'est encore l'antre de la tradition, tant en termes de. D'environnement, respect des codes. On va se retrouver dans un bal Touloulou ou un bal Touloulou? Non, Touloulou, samedi. Touloulou, c'était hier soir. Moi, je ne suis pas Nana ni Paulina. Moi, je préfère mon carnaval de rue. Normalement, c'est là qu'on voit la beauté du carnaval, de la confection. Hein. Regardez. Je suis en train de faire des masques de carnaval. C'est comme ça sur la tête. Et puis tout en se dandinant. Hein. Tout ça, c'est imaginé. Votre masque, ce sera lequel, celui-là? Moi, c'est ça. Ça s'est sculpté avec un cutter. Tout ça, c'est sur la tête. C'est qui, ce diable? Eh ben, le méchant. C'est le méchant, parce que vous savez, c'est toujours noir et rouge. Et puis, pourquoi il y a les glaces? Parce qu'il aime se mirer, et puis, à travers les gens, il, si vous voulez, il voit la beauté de la personne, et puis, il essaie de s'approprier de la personne. C'est pour ça qu'il y a tout. Vous voyez les morceaux de glace, là. C'est-à-dire, dans le carnaval, on a pris l'habitude de tourner tout en dérision. L'anglais banane, disons que c'est du temps des Saint-Luciens. Les Saint-Luciens qui venaient en Guyane, et puis ils travaillaient souvent la terre, dans les abatis. Et mais quand le dimanche arrivait, ils allaient à la messe, et puis ils étaient habillés d'une manière élégante, avec des bijoux... Vous savez, avec des grosses vestes. Donc, tout le monde appréciait ça, mais bon, dans le carnaval, on tourne ça en dérision. Tous ces costumes traditionnels, c'est des costumes à respecter. Donc, il y a un costume traditionnel qui est les nègres marrons. Les nègres marrons, c'est les noirs qui ont quitté leur maître, qui se sont retirés de la forêt. Il y a aussi la Caroline. La Caroline, oui, c'est une dame qui était très riche, Et puis, bon, comme elle ne voulait pas qu'on prenne son homme, son mari, comme on dit, elle le portait sur le dos. C'est une femme qui s'habillait, elle avait plein de bijoux, elle avait les plus beaux atouts. Vous savez, quand une femme a un bon mari, je pense qu'elle le garde. Et celui que vous préférez, vous ? Moi, je dis franchement, c'est le jeu farine, pour moi, c'est tout blanc, gants blancs et masque blanc. Je trouve que c'est élégant, c'est du net. Une fois qu'on a mis les étoiles de toutes les couleurs, ça vaut avec le beau cornet. Moi, je trouve que c'est beau. La farine dans la petite pochette, là. Et puis, quand quelqu'un vous ennuyait, ben, vous courez derrière et puis vous lui mettez de la farine au visage. Qui se déglise en fusil. Je vois un petit garçon qui a mis son masque et qui me fait pas peur. Un masque gorille et... Et aussi je vois un garçon qui a dessiné une barbe sur sa bouche. Nous les gueux, les riens, les peuls, les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup tout à l'envie contre la vie, stupide et bête qui nous est faite. Nous sommes à Allée des Trois Fleuves. Allée des Trois Fleuves, donc tiré d'un poème de Léon Gontran Damas. Trois fleuves coulent, trois fleuves coulent dans mes veines. Les trois fleuves, c'est le symbole du sang amérindien, du sang d'origine africaine et du sang européen. Ces trois sangs mêlés qui font de nous l'identité guyanaise, qui forment l'identité guyanaise. Ici, c'est un quartier que vous connaissez bien ? Oui, c'est ici qu'habitait mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père. Donc une vieille dame, comme on dit chez nous, une vieille dame coulie, parce que ses parents étaient d'origine indienne. Ce sont des Indiens qui venaient de Pondichéry à l'époque, qui étaient venus pour remplacer les anciens esclaves dans les plantations, et puis qui finalement se sont retrouvés sur les placères d'or, puisque mon arrière-grand-mère a aussi travaillé sur les placères d'orpailleurs dans l'intérieur de la Guyane, comme beaucoup de Guyanais au début du XXe siècle. Elle habitait quelle rue ? Elle habitait tout à trois pas de maison d'ici. Hein, sa maison a été détruite d'ailleurs. Elle a été détruite, c'est une vieille maison créole, à la rue Schœlcher en fait, la rue Schœlcher. Donc c'était une rue où on pouvait voir la mer quand il n'y avait pas de palétuvier à l'époque. Face à la mer, et on a vu ici le premier raz-de-marée. Moi je me souviens encore, le premier raz-de-marée qui a eu lieu ici, où la mer est arrivée jusque dans la rue que vous avez face à vous. C'était assez spectaculaire parce que nous ne sommes pas très habitués ici aux raz-de-marée, aux ouragans et aux cyclones, donc c'était assez spectaculaire, et dans la mémoire collective c'est resté ici. C'est vrai que la mer appelle des souvenirs tragiques, puisque c'est par la mer que sont venus les esclaves dans les bateaux négriers, donc il y a un peu cette peur de la mer, cette peur de l'eau. Très peu de Guyanais, d'ailleurs, ici à Cayenne, savent nager. C'est quelque chose que moi, je ne sais pas nager, que mes parents ne savent pas nager. Il fallait venir des communes, des fois, pour savoir nager, puisque là-bas, il y a des grands fleuves où les jeunes s'amusent dans l'eau. Donc, il y a encore cette crainte par rapport à la mer. Mais je dirais presque que le littoral guyanais est une île et que nous vivons presque en état d'insularité ici en Guyane. Parce que pendant très longtemps, nous avons eu le dos tourné à la mer. Vous pouvez vous apercevoir en vous promenant à Cayenne qu'on ne voit pas la mer, alors que la mer est tout près, à côté. Et en plus, lorsqu'il y a l'envasement et les palétuviers, eh bien, on n'a plus de vue de la mer. Et on l'entend, mais on l'entend au loin. Et on a aussi le dos tourné à la forêt, parce qu'on a une immense forêt dans l'arrière-pays. Et finalement, beaucoup de Guyanais ont perdu cette mémoire de la forêt, cette mémoire de notre environnement. si bien qu'on vit en état d'île, une insularité littorale, où on a le dos tourné à la mer et le dos tourné à la forêt. On est un peu coincé sur une bande, avec les yeux tournés vers l'Occident, et avec très peu d'attache sur notre propre territoire, finalement. On a toujours considéré la Guyane comme un territoire vierge à peupler. Oui, beaucoup de projets ont échoué en Guyane. Il y a eu le projet de peuplement de Choiseul en 1763, une expédition qui avait amené 10 000 colons européens ici et qui a été un véritable échec puisque pratiquement la moitié sont morts sur les terres guyanaises, maladies, palus, fièvre jaune. Il y a eu l'échec du bagne puisque Louis-Napoléon Bonaparte a voulu faire de la Guyane un territoire qui serait à développer par les bagnards. Et ça a été un échec puisque la Guyane a été un véritable mouroir pour les bagnards qui venaient d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Asie. Il y a eu l'échec du plan vert aussi, un semi-échec, puisqu'on a essayé d'impulser une dynamique au niveau agricole à travers le plan vert, des subventions, des aides accordées à des personnes qui travaillaient dans l'agriculture. Et finalement, ça a été un semi-échec. Le seul résultat positif qu'on a eu, c'est l'arrivée des gens du Laos, des Hmongs, qui se sont implantés ici et qui finalement sont devenus le garde-manger pour une bonne partie des Guyanais. Le plan vert, c'était les années 70, 74, 75, 76. C'était à l'époque du Premier ministre qui était Jacques Chirac. Alors, quel développement maintenant ? Je pense que ce n'est pas un développement qui doit être importé de la France. Ça doit venir des Guyanais eux-mêmes. Je pense que c'est aux Guyanais d'inventer un nouveau modèle de développement, d'avoir des projets, d'avoir des rêves pour ce territoire. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite là, c'est Tchambéré de Pamoli. Voilà, c'est un dicton qu'on connaît en Guyane comme aux Antilles, Tchambéré de Pamoli, ça veut dire tiens bon et surtout reste fort, reste toujours debout. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours. Cayenne, la piqueuse. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive. Faut se l'espérer, son coin paradis. Quand ça va, ça va. Y a pas de problème. Avec Serge Mamlam Fouque, historien. Faut se faire une raison. Denis Lamaison, auteur chercheur. Avec ses je t'aime, avec ses chagrins. Jean-Maurice Montout. Merci tout particulièrement à Frédéric Piantoni, géographe, et à l'Institut de Recherche et de Développement, l'IRD. Mais c'est un mélange de gris et de rose. Air Caraïbes. Mais c'est un collier de rosée. Attaché d'émission Christine Gage et Eve Etienne. Tout ce qu'on peut dire. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Nejma Boikra et de Diffy Mariani pour Sur les Docks. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie, c'est la vie. Il faut se la vivre. Content, pas content. Faut s'en arranger, faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie, ça se vit jusqu'à en crever. Il faut se la vivre. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner à Cayenne, bibliographie, lien, nous podcaster pour le bagne ou nous réécouter en bateau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, pour prolonger les variations sur la beauté de la semaine dernière, un petit rap de beauté, un lien vers Tenk, la formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines un beau documentaire consacré à Chet Baker, Let's Get Lost de Bruce Weber. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, 2e épisode, l'école au gré des langues. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.